préfère mode avion. Mercedes porte papillon. Je préfère le cœur que tes millions. Paranoïaque comme Emilio. Grande ville à bord de mer, jacuzzi. On fait faire le signe ou le yakuza. L'odeur de la ganja, elle m'adoucit. Je sais pas si je vais tenir avec tout ça. Marseille, Vespa, XADV. On est tous pareils, je fais pas le rêve. Y'a que les voyants qui montent dans le FV. Nos regards pas bizarres, on est un peu foufou. Que de bons souvenirs. Même s'il y a eu plein de galères. T'as fauté, je vais pas revenir. Tu connais pas de Marseille. Elle va là-bas, elle va là-bas. Tu me parles des cœurs, mais toi t'en as pas. Elle va là-bas, elle va là-bas. Que tu m'aimes, si t'es en train de tourner pas. Vacances en mode avion. Mercedes porte papillon. Je préfère le cœur que tes millions. Paranoïaque comme Emilio. Vacances en mode avion. Mercedes porte papillon. Je préfère le cœur que tes millions. Paranoïaque comme Emilio. Mon cousin, là je suis tendu, je me roule un bazooka. Oh mon cousin, je sais que dans la rue, n'en faut pas pour cas. J'ai passé l'âge de partir à la grotte. Je suis bien dans l'ombre, laissez-moi dans ma grotte. Y'a des visieux, des jaloux, je m'adapte. Ils changeront jamais, ouais, c'est pas ma faute. Va falloir jouer pour que tu me rattrapes. J'suis en train de bronzer vers Saint-Trope. Et les filles, elles crient d'où elles m'attrapent. Les schmutes me voient fumer la buée, fait une syncope. Mon cœur, il fait que pleurer. C'est la vie, c'est tout. Soit disant frère, il m'aurait guéri. Maintenant je suis dans mon cœur, ça me dégoûte. Mon cœur, il faut que pleurer. Mais penser la vie, c'est tout. Soit disant frère, il m'aurait guéri. Maintenant je suis dans mon cœur, ça me dégoûte. Vacances en mode avion. Mercedes porte papillon. Je préfère le cœur que tes millions. Paranoïaque comme Emilio. Vacances en mode avion. Mercedes porte papillon. Faire le cœur que tes millions, paranoïaque comme